Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball avec notre ami Marc Griffin de RDS. Salut Marc. Salut Dan. Marc, deux joueurs, je veux te parler de deux joueurs d'abord. Albert Pujols qui est à un coup sûr du chiffre magique de 3000. Normalement, quand tu atteins soit 600 circuits ou 3000 coups sûrs, c'est Cooperstown direct. Mais dans le cas de Pujols, c'est deux marques, là, 600 circuits, 3000 coups sûrs. Quel frappeur, là? Quand on dit un frappeur professionnel, Albert Pujols en est un. Là. Faut pas oublier que Pujols a été, je vous dirais, là, des débuts des années 2000. Là, ouais. Le meilleur frappeur droitier, on va dire ça de même, du baseball pendant plusieurs années. Là. C'était lui le frappeur le plus redoutable du baseball, il n'y a pas à dire. Fait que c'est un gars qui a su quand même s'adapter, c'est-à-dire qu'il a perdu un peu de vitesse, donc inévitablement, quand je dis vitesse, c'est vitesse de l'élan. Là, ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben il a perdu donc un petit peu de puissance. Il y a moins de circuits au champ posé qu'avant, mais c'est quand même un gars qui a su s'adapter très, très bien. Puis, tu regardes, même le nombre de retraits sur des prises, c'est pas effarant, c'est pas quelque chose là, qui nuit à sa carrière. Fait que, pour répondre à ta question, absolument, ce gars-là s'en va directement au temple de la renommée. Certains disent que parmi les joueurs de premier but dans l'histoire du baseball, on peut le mettre facilement, évidemment, comme frappeur là, dans le top 3, certains disent dans le top 5. De toute l'histoire du baseball, puis il y en a eu des sapres bons joueurs le premier but, là. Mais lorsque tu as des statistiques de la sorte là, au fil du temps, un gars qui a suivi la liste des blessés aussi au cours de sa carrière, alors c'est un gars qui, absolument, qu'on va voir à sa première année d'administration. Ah ouais, facile. Ça va être intronisé. Ouais. Ça va être très, très facile. Puis il faut dire, pour Rose, quand il a commencé sa carrière, c'est un joueur, il a joué au troisième but, puis je me mets il jouait aussi comme voltigeur. Donc... C'est un joueur qui a grandi l'organisation. Tu sais, vous savez. Ouais. Ça dépend beaucoup des joueurs dans l'organisation. On te fait une place, mais la place est au premier but. Puis à un moment donné, ben le gars s'est installé là. Il a toujours eu des très bonnes mains. On n'a jamais parlé de son jeu en défense. C'est pas le gars le plus mobile au monde, mais je vais dire une chose. Il n'a pas commis une tonne d'erreurs non plus. C'est un gars qui était très honnête en défense également. Alors, chapeau, vraiment. Ça reste que son contrat avec les Angels est un des. C'est pas un très bon contrat. Pour l'organisation des Angels, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup trop d'argent pour le rendement qu'il va donner. Mais les Angels ont payé, si vous voulez, la carrière qu'il a eue avec les Cards de Saint-Louis. Et ça fait en sorte que le gars, évidemment, il a plus peur de la fin du monde que la fin du mois. Là. Ouais. Mais ça reste que c'est un gars qui a connu une carrière tout à fait remarquable. Ichiro, qui a pas nécessairement annoncé sa retraite du baseball, mais c'est tout comme, là, faut jouer avec les mots, là. 44 ans, il jouera pas cette année, il va s'occuper plus de l'administration des Mariners. Ce gars-là reviendra pas, là. C'est juste une question de technicalité, j'ai l'impression. Si ce gars-là aurait joué au baseball majeur toute sa carrière, est-ce qu'il aurait frappé 4000 coups sûrs? Eh boy, moi je pense que oui, honnêtement. Ouais, tu l'amènes dans le baseball majeur à 21 ans, mettons, là. Ouais. Je parle pas de 19 ans, là, mais mettons 21, 22 ans. Donne-y donc, à ce moment-là, 5 ans de plus. 5 années de 200 coups sûrs, absolument. Oui, hein? Absolument. C'est un gars qui a frôlé ça. Et je vous dirais que, bon, évidemment, t'as mentionné son âge, là, que c'est sûr qu'il n'est plus l'athlète qu'il était, mais je pense qu'il était un peu perdu aussi dans ces fameux, ce qu'on appelle le launch angle, puis les gars qui frappent des balles à des hauteurs. Le baseball a changé beaucoup depuis son arrivée. Mmh. Puis, à quelque part, ben, c'est sûr que son efficacité était peut-être un peu moins présente. Mais ça, c'est un. Tu sais, parmi. Les frappeurs de l'histoire du baseball qui ont la meilleure coordination main-œil de mettre la balle en jeu où il veut, il faut que son nom revienne parmi les top 2 ou 3 du baseball. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai rarement vu un gars avec une coordination main-œil comme ça qui lui permettait de frapper où il voulait. Tu sais que ce gars-là, durant les exercices au bâton, pouvait frapper des balles à 400 pieds, là. 400, 420 pieds. Mais le match commençait. Alors, écoute, eux autres, ils me trichent un peu dans l'allée de droite, m'ont frappé ça dans l'allée de gauche. Tu sais, c'est un gars qui maîtrisait l'art de frapper comme ça, comme très peu ont réussi à faire dans leur carrière. Tu le mets dans la classe des Tony Gwynn, des Wade Boggs et Pete Rose, bien évidemment, là. Tony Gwynn, là, mon cher Dan, tu penses-tu qu'il doit pas, lui, dans sa, malheureusement, qui est décédé, mais dans sa tombe, là, il doit-tu survirer 3-4 fois de voir comment les frappeurs sont rendus, comment qu'il n'y a plus d'approche à deux prises, comment qu'on veut juste frapper des coups de circuit. C'est rendu un sport, Dan, faut pas se le cacher, là. C'est un circuit, un but sur balle ou un retrait sur des prises, là. Tu sais, le nombre de balles en jeu est en nette diminution. Le nombre de retraits sur des prises est en hausse. Ben, plus de retraits sur des prises que de coups sûrs, je pense, en mois d'avril. Non, mais c'est ça, je te dis. C'est que c'est rendu, il y a plus d'approche à deux prises. Le fameux, ce que je parlais tantôt, le fameux launch angle, là, les gars qui veulent soulever la balle, ben inévitablement ton bâton est un petit peu moins longtemps dans la zone de contact, ce qui fait que bon, t'as un retrait sur des prises additionnelles, mais c'est ça, on tombe dans des modes, on tombe dans des années où c'est comme ça, les frappeurs ont décidé de s'ajuster de la sorte, on s'est ajusté on tente de s'ajuster aux défenses spéciales. Fait que c'est sûr qu'un gars comme Tony Gwynn va se dire, ben ma foi, les gars, vous avez juste à frapper la balle au champ gauche quand vous avez une défense spéciale, vous allez avoir un coup sûr. Mais le baseball est évolué dans un autre sens. Pour l'instant, je vous dis pas que ça va revenir, mais pour l'instant, c'est comme ça. OK. Marc, on va parler un peu des Blue Jays. Évidemment, les Blue Jays qui connaissent quand même un début de saison intéressant, c'est sûr, beaucoup mieux que l'an passé. On sait que je dis tout le temps à Bruno Boudreau, c'est quand au mois d'avril, on gagne pas le championnat. Par contre, on peut le perdre en avril, le championnat. Puis cette année, ben, on peut pas dire que les Blue Jays ont perdu le championnat comme l'année passée, par exemple. Mais moi, je me rappelle au début de l'année d'avoir fait une entrevue avec toi, puis que je disais, j'espère que les Blue Jays, soit que ça va commencer fort, ou que ça va commencer bien fort ou bien faible. Un des deux, là. À 18-14, avec les Red Sox qui connaissent un début de saison incroyable, et les Yankees qui sont redevenus les Yankees. Là, je regarde ça, là, ça va être... ils peuvent être dans la lutte pour le match, j'ai l'impression, le match du fameux deuxième, là, à la fin, là. Ben, moi, écoute, moi, je vais te dire que c'est un début de saison de surprise pour moi. OK. Compte tenu qu'on n'a pas eu Donaldson pendant 18 matchs, on n'a pas eu... Morales a été blessé, Stroman a une moyenne de 8. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires que tu disais, mon Dieu, ma foi, cette équipe-là va connaître un autre début de saison difficile. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit. Je vous dis pas qu'on va lutter jusqu'à la fin avec les Yankees et les Red Sox, mais ce que je vous dis, c'est que moi, c'est surprenant, la fiche est surprenante, mais je vois tellement des belles choses, là. Moi, je vois des belles choses, là. Teoscar Hernandez, c'est un vrai, celui-là, là. C'est un vrai. Ce que je vois de Gourriel depuis son arrivée, Solarte, qui est un joueur de position, mais qui est de 9 circuits déjà. Oui, mais moi, je parle de la relève. Je pense que ça en vient. Qu'est-ce que les Jays vont avoir dans 2 ans, là? T'sais, là, on est encore compétitif malgré tout. Fait que on sait qu'on passera pas par une reconstruction. Ça, c'est déjà le point qui est positif. Si Donaldson va bien et on est moins dans la course, parfait. Tu peux l'échanger. Va te chercher un ou deux joueurs intéressants. Tu regardes les meilleurs joueurs d'avenir. Gilbert Torres du côté des Yankees, on l'a eu dans une transaction. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que les Jays sont en bonne position présentement. Il y a des choses bien intéressantes. Sanchez est convaincant. Stroman, selon moi, va se replacer. Osuna est solide. Des gars qui sont dans un âge où on peut bâtir autour de ces gars-là. Ce que Teoscar Hernandez te donne est excellent. Donc, tu as fait tout ça sans Tulowitzki. À peu près 100 dans Donaldson pour quasiment 3 semaines. Fait que moi, je vois que du positif présentement dans ce début de saison-là des Blue Jays. On sait que Vladimir Guerrero Jr. s'en vient. On sait qu'on a un paquet de jeunes joueurs intéressants qui s'en vient. Fait que finalement, c'est peut-être pas si mal. Puis moi, je pense que plus longtemps que tu peux garder ce certain rythme-là, peut-être que tu vas t'éloigner un peu des Red Sox et des Yankees, mais peut-être que tu gardes une confiance, tu gardes un état d'esprit qui est positif, que tu veux gagner à tous les jours. Moi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant avec cette équipe-là d'ici la fin. Évidemment, il y a d'autres défis. Il faut que Stroman soit beaucoup meilleur. Faut qu'un gars comme Travis revienne aider l'équipe éventuellement parce que c'est un gars sur qui son attaque est basée. Faut qu'un gars comme Smoke puisse garder un certain rythme en attaque. Mais je veux dire, pour moi, c'est des éléments qui sont assez positifs présentement, qui me laissent croire que c'est une organisation qui est quand même dans une position, selon moi, assez enviable pour les prochaines années. 388, Vladimir Guerrero Jr., il a frappé un autre circuit hier, c'est incroyable, il ne dérougit pas. C'est, écoute, là, moi, je m'étais dit, j'avais prédit l'an passé qu'on verrait en septembre. J'ai l'impression que ça pourrait même être plus tôt que ça, juillet. Ben, en tout cas, je pense qu'on peut s'en tromper, dire qu'on va le voir avec les Jays cette année. Ah, oui, et là, la question, c'est de savoir est-ce que c'est plus tôt ou plus tard. Tout dépend, évidemment, de la saison, qu'est-ce qui va se passer. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu vas te retrouver au début du mois de juillet. C'est là que tu te positionnes vraiment. Est-ce que je suis vendeur? Est-ce que je suis acheteur? Avec la saison que certains connaissent chez les Jays, ben peut-être que tu vas pouvoir trouver preneur. Tu sais, je regarde Pellard au champ centre qui a une très bonne saison. Je dis pas qu'il faut l'échanger, mais sa valeur est peut-être à son plus haut qu'il sera jamais. Mais ça, je regardais à Sportsnet, Marc. Dans le cas de Pellard, c'est souvent mars et avril. On a montré à Sportsnet comment il était bon en mars et avril. C'est surtout ça dans le cas de Pellard, là. Exact. Mais, tu sais, s'il est capable de traîner ça un petit peu plus tard en mai, puis en juin, puis que là, tu te dis, OK, puis là, t'as quelqu'un qui cherche un champ centre, qui cherche... Tu sais, tu comprends? Alors, il va falloir être subtil dans nos affaires chez les Jays, mais qu'on soit positionné, selon moi, au début, ou en tout cas, certainement, là, à la mi-avril, pour être en mesure de donner un élan à savoir on s'en va où, là. OK, est-ce qu'on laisse tomber cette année, même si ça va bien, mais on rappelle Vlad Junior, puis on rappelle un autre, puis on a fait Oscar Hernandez qui fait pas bien, puis... Fait que, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont bien intéressants du côté de ces débuts de saison. Bon, évidemment, Russell a beaucoup encore de misère en début de saison. Il y a des affaires qui sont un peu plus plates, comme le retour, mais le fait que Travis est retourné dans les mineurs. Fait que, tu sais, il y a des défis, là. C'est pas tout rose, là, mais ça reste que... globalement, je trouve que c'est un début de saison qui est fort intéressant pour les Jays. En terminant, Marc, je veux te parler de... On a annoncé cette semaine que les Red Sox et les Yankees allaient jouer un match en 2019 à Londres. C'est une série, je pense, une série de deux matchs, je crois. Oui. Japon, c'est confirmé. Il y aura une tournée également des joueurs nord-américains. Ça, vous avez présenté ça à RDS il y a quelques années. Donc, Et Montréal, est-ce que... Je sais que j'ai parlé avec Frédéric Degg. Frédéric, il me disait qu'il avait intercepté une conversation entre Steven Brofman et qu'il avait dit sur la galerie de presse lors des matchs des Blue Jays au mois d'avril. Puis il me disait que lui, il allait mettre de la pression pour avoir des matchs de la saison régulière en 2019. Quand tu vois ça... Est-ce que tu penses qu'en 2019, on va finalement avoir un match la saison régulière? Écoute, moi je pensais qu'on aurait vu cette année, ouais, en 2018. Hein? Compte tenu des conversations que moi j'avais entendues au fil des deux dernières années, j'étais convaincu qu'on aurait pu y aller. Par contre, le contrat d'Evenco mentionnait que c'est des matchs préparatoires pour les 5 premières années, puis là, on n'a pas voulu dévier de ça, puis je peux comprendre ça. Mais honnêtement, je pense qu'on est rendu là. On a fait le tour un peu du jardin à ce niveau-là. Je sais que c'est le fun, c'est parfait, puis ça donne à d'autres, tu sais, à des gens qui ont jamais vu du baseball de venir en voir des matchs préparatoires des Jays. Ça reste quand même une attraction intéressante. Mais je pense que compte tenu de tout ce qui a été dit, compte tenu des commentaires du commissaire, compte tenu du travail qui se fait dans les coulisses, puis là, ben Brofman nous en a parlé, il a déjà commencé à certains propriétaires, il y a des sondages qui se font, il y a des ci, des ça, il y a beaucoup de travail qui se fait derrière, c'est sûr que ça serait une étape qui, selon moi, pourrait devenir envisageable. Maintenant qu'on annonce au mois d'avril ou en tout cas au début du mois de mai qu'il y a déjà des matchs à Londres, là, moi, ça me fait hésiter, là. Ça veut dire... peut-être que Montréal n'a pas été retenu encore. Ouais, peut-être. Reste à voir. Tu sais, c'est rien de confirmé dans le cas d'Evenco si on va en présenter d'autres. Mais ce que j'aime, c'est que Bronfman est sur le dossier et sans dire qu'il est sur le dossier quotidiennement, on n'est pas loin de ça. Mais tu sais... Alors, les gens travaillent très, très fort en ce moment à bien des égards parce qu'on sait que ça s'en vient. Quand je dis que ça s'en vient, c'est qu'il y a une décision qui va être prise du baseball majeur plus tard. Sur les Rays, là, à un moment donné, là, on peut pas dire oui, on va régler ça, mais c'est parce que ça fait 4 ans, 5 ans là, qu'il n'y a absolument rien qui bouge. Là. Ah oui, c'est clair. Il va se passer quelque chose. Mais Marc, quand tu vois que Robert Manfred d'aller à Londres, c'était une des missions premières. Lui, il voulait internationaliser le baseball encore davantage, puis d'aller à Londres, écoute, c'est un gros marché. Il n'y aura jamais d'équipe à Londres, c'est sûr, mais pour les produits dérivés et ainsi de suite. Donc, J'ai l'impression que c'est un peu pour ça aussi, là. Oui, absolument. Puis écoute, regarde, c'est un défi qu'on se donne. Tu sais qu'il y a des matchs présentés sur Facebook seulement. Ouais. Tu sais, le baseball s'internationalise et à ce niveau-là. Puis c'est pas étranger du fait qu'on s'en va évidemment à Londres jouer un match. Ouais, effectivement. Regarde, on est allé en Australie il y a quelques années. Ouais. On fait des efforts. Puis c'est correct ainsi. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que ça débouche sur quelque chose de réel éventuellement. Soit encore une fois sur une expansion qui je pense est encore très viable parce que 32 équipes, 4 sections, 4 conférences de 8 équipes ou 8 divisions de 4 équipes, il y a une logique derrière tout ça. Je suis convaincu que le baseball veut s'en aller là. Effectivement. Marc, un gros merci, on s'en reparle dans quelques semaines. Au plaisir, Dan.